Le 13, l'école secondaire pour orphelins de Pyongyang a abrité le service d'ouverture de la compétition nationale de sport des écoles secondaires pour orphelins. Y ont participé les cadres intéressés, les directeurs, les enseignants et élèves des écoles secondaires pour orphelins de toutes les provinces du pays. Après le service, il y a eu le match de football masculin entre l'équipe de Pyongyang et celle de la province du Hwanghae du Sud, et le match de volley-ball féminin entre les équipes de Pyongyang et de la province du Hamgyong du Nord. Lors de la compétition, les orphelins se disputeront dans diverses disciplines de sport, comme football, volley-ball et basketball.